بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 45 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم écrit par le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et la semaine passée, alhamdoulilah, il y avait des conférences qui ont été données par un nombre de mashaykh à propos de Ibn Taymiyyah pour réfuter les khawarij. Parce que comme vous le savez, Ibn Taymiyyah a été un très grand savant, un savant illustre, hein, célèbre, respecté parmi tous les grands savants de l'islam, un des plus grands savants de l'histoire de l'islam, qui a été un maître dans la plupart des grandes sciences islamiques et qui a écrit des ouvrages qui restent encore jusqu'à aujourd'hui des ouvrages incomparables dans qu'est-ce qui a été écrit sur l'islam. Et à cause de sa renommée, de son respect, de son prestige, beaucoup de gens essaient de s'y référer ou de mentionner son nom dans ses écrits ou dans ses discours. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qui s'y réfère respecte réellement la position ou la méthodologie de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Puisque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah suivait la compréhension des salaf al-Salih et tout ce qu'il avait comme position sur la croyance islamique et sur la pratique islamique, c'était toujours basé sur le Coran et la Sunna et les positions des salaf al-Salih. Et donc il a réfuté presque toutes les sectes qui existent et qui se prétendent musulmanes ou appartenir à l'islam. Et il y a par exemple les kuffars, ils constatent depuis quelques temps que les khawarij, comme ceux qui prétendent faire le djihad aujourd'hui, qu'on appelle les djihadistes, qui sont en réalité des khawarij, les takfiriyin et d'autres, essaient de justifier leurs actions et leurs actes et les choses qu'ils font. Ils essaient de les justifier en citant des paroles ou des fatwas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur différents sujets. Et le fait qu'ils citent Ibn Taymiyyah, ça ne veut pas dire que Ibn Taymiyyah est d'accord avec leur position ou qu'est-ce qu'ils disent. Et puis ça ne veut pas dire non plus qu'ils citent Ibn Taymiyyah correctement et dans le vrai contexte de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a voulu dire. Et donc on a de nombreux exemples, de nombreux passages dans les ouvrages de Ibn Taymiyyah où il critique les khawarij et où il réfute les khawarij. Il critique ceux qui se révoltent contre les dirigeants et qui appellent à la rébellion et qui appellent à la révolte contre les dirigeants, qui appellent au takfir, qui appellent à faire le takfir sans fondement et sans preuve et ainsi de suite. Donc Ibn Taymiyyah était un des ulamas qui ont combattu et qui ont réfuté les khawarij. Et combien de fois dans ses livres il mentionne les exemples des sahaba qui ont réfuté les khawarij aussi et qui il mentionne l'égarement des khawarij. Donc on en a parlé dans plusieurs cours à ce sujet, on a expliqué ça. Donc, de voir que les Khawarij aujourd'hui essaient de citer Ibn Taymiyyah comme référence, c'est de la poudre aux yeux, comme on dit. Hein? Et donc, quand tu vois, par exemple, tu lis des articles de magazines ou des articles de journaux ou des commentaires de la part de certains écrivains, auteurs, chercheurs ou professeurs ou journalistes parmi les Koufars qui citent Ibn Taymiyyah et qui dit c'était quelqu'un qui était qui inspirait les djihadistes ou les takfiris ou bien les khawarij et ainsi de suite, ça c'est tout à fait faux et ça n'a rien à voir. Même si Ibn Taymiyyah lui-même il a appelé au djihad à son époque, il a fait le djihad avec les dirigeants contre les tatars, yani, le contexte du djihad qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec le djihad que les khawarij font aujourd'hui, qui n'a rien à voir en réalité avec le vrai djihad selon la charia. Et donc le fait que Ibn Taymiyyah a lutté contre les Tatars, il a participé lui-même au djihad, et il a incité les dirigeants à le faire, eh bien Ibn Taymiyyah, parmi les conditions du djihad, il a expliqué le djihad contre les gens, contre les koufars et ainsi de suite, et contre les khawarij ou autres. Il a dit ça doit être fait avec le dirigeant, et lui-même il a fait le djihad avec les dirigeants de son époque. Donc c'est pour dire que le fait que Ibn Taymiyyah ait fait le djihad, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que les khawarij font aujourd'hui, quand ils prétendent que ce qu'ils font c'est le djihad, puisqu'il y a un djihad qui est en accord avec la charia, puis un djihad qui respecte pas les conditions de la charia, et donc c'est pas un djihad qui est légiféré. Et aussi Ibn Taymiyyah a été emprisonné de nombreuses fois à son époque, et il a fini même sa vie en prison. Il est mort en prison, rahimahullah. Et malgré tout ça, il n'a jamais fait le takfir de ceux qui l'ont emprisonné. Il n'a jamais fait le takfir des dirigeants. Et les raisons pour lesquelles il a été emprisonné, c'est pas parce qu'il a parlé contre le pouvoir politique ou contre les dirigeants au pouvoir, non. Il a été souvent emprisonné à cause de ses réfutations contre les mubtadi'a et contre la aqida des asha'ira et des gens de batil. Et quand il faisait des fatawa qui ne faisaient pas plaisir aux mubtadi'a, les mubtadi'a essayaient de justement lui faire des problèmes et de le faire emprisonner à cause de ça. Donc ceux qui ne connaissent pas bien Ibn Taymiyyah, qui n'ont jamais lu vraiment ses ouvrages parmi les koufars et autres, eh bien ils s'imaginent que dans les paroles d'Ibn Taymiyyah, il y a une justification pour la méthodologie de Daesh ou des autres groupes comme Al-Qaïda ou autres, ou bien à l'époque en Algérie, comme certains takfiriyins, comme Abu Qatada qui faisait des fatwas pour justifier de tuer les femmes et les enfants en Algérie, eh bien il essayait de citer comme exemple Ibn Taymiyyah ou autres. Hein? Donc c'est des exemples. Donc à cause de ça, les koufars, ils ont fait 1 plus 1. Puis ils ont fait ce calcul simpliste, hein, de croire que parce que quelqu'un est cité, ça veut dire automatiquement que la personne, c'est la personne qui est sur la même pensée ou la même idéologie, alors que ça n'a rien à voir. Donc les machaires, ils ont fait une conférence pour clarifier ça, pour expliquer la position d'Ibn Taymiyyah envers les Khawarij, pour expliquer la position d'Ibn Taymiyyah envers les groupes de bid'a, envers les etc. Donc tout ça, ça a été expliqué, mashallah. Il y avait comme, je crois, environ 8 parmi les machaires qui ont participé à ce colloque, et chacun il a mentionné une différente partie, une différente dimension, une différente section de la question. Puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été clarifiées dans cette conférence là. C'est sur le site annahj.net, si je ne me trompe pas. Donc l'audio, il est disponible sur le site. Et puis vous pouvez comme retourner à cet audio-là pour voir plus de détails sur ça. Mais sinon, dans les ouvrages des koufars et des gens qui écrivent sur Ibn Taymiyyah et sur la religion musulmane, parmi les non-musulmans, tu trouves parfois des références ou des paroles sur Ibn Taymiyyah où ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi sur Ibn Taymiyyah et c'est terrible. Allah musta'an. Et on remarque de plus en plus, bon, en fait, quand les koufars, ils parlent avec d'autres koufars, ils se permettent de dire des âneries. Pourquoi? Parce que justement, ils savent qu'ils s'adressent à des gens qui ne connaissent rien de la religion et de la religion musulmane et de l'islam. Donc, ils se permettent de dire des mensonges, des stupidités, des choses qui sont complètement fausses, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui va aller vérifier qu'est-ce qu'ils disent, et ils savent qu'il n'y a personne qui va non plus les critiquer ou les contredire dans ce qu'ils disent. Donc, c'est comme s'ils s'imaginent, bon, ça y est, on a carte blanche parce que on parle d'un sujet, on est les seuls à en parler, et on est les seuls à écrire là-dessus, donc personne ne va venir nous reprendre ou nous critiquer si on se trompe, et même si on dit des mensonges, personne ne va nous blâmer pour ça, au contraire, hein, parfois, même si c'est des mensonges, et alors, même si c'est des mensonges, ça nous est égal, l'important c'est que ce soit contre l'islam, et c'est ça qui est important. Donc, c'est important, je pense, pour les musulmans, donc, de clarifier la vérité à ce sujet-là, puis au sujet de l'islam en général, puis de faire savoir aux gens la réalité de qu'est-ce que c'est la religion musulmane. Donc, ceci dit, on commence maintenant avec la citation numéro 169 dans le livre de Iqtida Sirat al-Mustaqim, avec le commentaire de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liq al-Qawim. Et on est dans à la page 322, le volume 1, aujourd'hui. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Donc il dit, قال Ahmed, حدثنا أبو معاوية, حدثنا داود بن أبي هند, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, قال, نعم, قال رسول الله, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده وهذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عن الناس ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans ce passage, il cite un hadith qui se trouve dans la Musnad de l'imam Ahmad. Selon l'imam Ahmad qui dit, Abu Muawiyah nous a mentionné que Daoud ibn Abi Hind nous a mentionné, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour et les gens parlaient à propos du qadar. Et c'est à ce moment-là, quand il est sorti, c'est comme si on lui avait écrasé des graines de pomme-grenade dans le visage. C'est-à-dire, c'est comme si son visage est devenu rouge, tellement il était en colère. Hein? Et donc, c'est une expression, qu'on dégaine de pomme-grenade dans le visage, en voulant dire, il est devenu rouge comme une pomme-grenade, de colère, à cause de la colère. Et il leur a dit, qu'avez-vous à frapper le livre d'Allah, une partie contre l'autre? Et il a dit, c'est ainsi que les gens qui vous ont précédé ont péri. Et il a dit, c'est-à-dire le narrateur du hadith, il a dit, je n'ai jamais souhaité être dans une assise dans laquelle il y avait le messager d'Allah, ou je n'ai jamais souhaité ne pas assister à une assise dans laquelle il y avait le messager d'Allah, comme j'ai assisté à cette assise-là ce jour-là avec le messager d'Allah, mais que habituellement j'ai toujours souhaité d'être présent, mais ce jour-là j'aurais souhaité ne pas être là, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là qu'est-ce qu'il dit. Puis il dit que le hadith, il avait été préservé il mentionne que c'était selon Amr ibn Shu'aib, qu'il a rapporté selon différentes personnes, et c'est rapporté selon Ibn Majah dans son Sunan aussi, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Muawiyah, tel qu'on l'a mentionné. Cheikh Al-Fawzan, il commente maintenant sur ce hadith, il dit Al-Maqsoud, on a déjà lu dans le cours précédent un hadith semblable à celui-là, sauf qu'il n'y avait pas la mention, que je pense qu'on n'avait pas dit que c'était à propos du Qadar, mais que c'était qu'il y avait une discussion entre les Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère à cause de ça. Donc il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Maqsoud min hadha al-hadith kama sabaqa bayanu أن الناس يتكلمون في القدر إذا كان الله قد قدر لنا المصير لها الجنة أو النار فلماذا العمل. Donc c'est ça. On a parlé de ce sujet-là, mais pas de, on n'avait pas cité ce hadith-là en particulier. On avait cité d'autres hadiths dans lesquels il y avait la mention du qadar, mais pas celui-là. Et là, le cheikh, il dit ici, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est comme le hadith précédent, dans laquelle il y a la mention que il y a des gens qui parlent à propos du qadar et qui disent par exemple si Allah a tout prédestiné pour nous et que on sait déjà qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on va aller au paradis ou en enfer, Allah il le sait déjà. Donc à quoi ça sert de faire les œuvres, à quoi ça sert de faire les actions? Il dit fa innahu lan yahsul illa ma qaddara lana fi'luhu. Ils disent, puisque il n'y a rien qui va arriver excepté ce que Allah nous a prédestiné qu'on allait faire. Donc, à quoi sert de faire les œuvres? Il dit, وَهُنَا غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَضَبًا شَدِيدًا. Et c'est là que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis dans une colère très, très sévère, très grave. Et il dit, فَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْغَضَبِ عِنْدَ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ. Et il dit, le cheikh, qu'il y a ici la preuve qu'il est permis de se mettre en colère lorsqu'on condamne un mal, quelque chose de haram. Donc, quand on fait inkar al-munkar, c'est légiféré dans l'islam de se mettre en colère pour ça. Hein? Parce qu'il y en a des fois, ils essaient toujours de dire comme, non, il ne faut jamais se mettre en colère, il ne faut pas être en colère, il faut toujours être calme et zen, comme ils disent. Mais, dans certains cas, c'est légiféré que quelqu'un soit en colère, hein, pour défendre la religion d'Allah, pour, yani, par rapport au fait qu'on a contredit des règles d'Allah. Hein, donc on se met en colère pour Allah. Hein, et c'est l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ici. Hein, il s'est mis en colère parce que la chose est grave et parce qu'on est en train de yani, frapper des versets les uns contre les autres. Hein, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans certains hadiths, la tardab. Hein, mais, dans certains contextes, il s'est mis en colère. Hein, et dans le charh de les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, Cheikh al-Fawzan, il a parlé de ce sujet-là. Il a expliqué le hadith, la tardab. Hein, et il ne te met pas en colère. Puis, il a mentionné que dans certains cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se mettait pas en colère pour lui-même. Mais par contre, il ne dépassait jamais les limites d'Allah. Il ne laisse pas la colère le faire dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qal, fa qal, donc, ensuite il dit Cheikh Al-Fawzan, wala siyama al-munkar alladhi yata'allaqu bi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit c'est légiféré de se mettre en colère pour condamner un mal, en particulier si ce mal est relié avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذا الذي قال لأن هذا الذي قالوا إنما هو قول الله على إنما هو قول على الله بغير علم لأن هذا الذي قالوا إنما هو قول على الله بغير علم وضرب لكتاب الله بعضه ببعض أو أخذ لبعضه وترك للبعض الآخر. Donc le cheikh il dit que pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la parole d'Allah et par rapport au qadar ici, ça méritait qu'on se mette en colère à son sujet, c'est parce que ce qu'ils ont dit c'est en fait parler à propos d'Allah sans science. Et ça, c'est un des plus graves péchés. Hein? Et c'est aussi le fait de frapper les versets d'Allah les uns contre les autres, comme s'il y avait une contradiction entre les versets. Ou bien, c'est de prendre une partie des versets et d'abandonner les autres. Donc ça, c'est des choses graves quand quelqu'un fait quelque chose comme ça. Et il dit, « فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَّا هُوَ الْعَمَلُ وَعِنْدَنَا قُدْرَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنَّا الْبَحْثُ عَنِ الْقَدَرِ وَتَوَهُمِ التَّعَارُضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْعِ » Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est exigé de notre part, c'est quoi? En tant que musulman, dans l'islam, qu'est-ce qui nous est ordonné? C'est d'agir et de faire ce que Allah nous a ordonné de faire selon notre capacité. Et qu'est-ce qui nous est, il ne nous est pas exigé ou demandé dans l'islam de rechercher à propos du qadar et de s'imaginer qu'il y a des oppositions ou des contradictions entre la prédestination et la législation. Hein? Donc, tu restes assis, puis tu dis, comment ça Allah il nous a ordonné de faire ça, mais pourtant il a tout prédestiné, et donc il sait déjà si on va aller au paradis et si on va aller en enfer, donc à quoi ça sert de faire les actions? Non, parce qu'il t'a ordonné de faire les actions, il t'a interdit de faire les péchés, et il t'a ordonné d'agir, et toi, comme Allah lui, subhanahu wa ta'ala, il sait si tu vas au paradis ou en enfer, mais toi, tu ne le sais pas. Donc, fais les œuvres, fais les actions, et travaille pour ça, et demande la miséricorde d'Allah, et demande l'aide d'Allah pour aller au paradis, et Inch'Allah, tu iras au paradis. Hein? Tandis que si tu restes assis puis tu fais pas les actions, c'est là que tu vas aller en enfer. Parce que tu fais pas du bien, tu fais pas ce que Allah t'ordonne de faire, tu abandonnes l'obligation et tu ne fais pas qu'est-ce qui t'est ordonné. Et tu risques même de faire des péchés parce que tu abandonnes qu'est-ce que Allah t'a ordonné, donc tu fais pas qu'est-ce que tu dois faire. Donc ça déjà c'est un péché. Donc, si tu veux aller au paradis, fais les œuvres, fais les bonnes œuvres, fais les bonnes actions. Si tu tombes dans le péché, demande pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Le cheikh, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite dans le passage numéro 170, « وَقَدْ كَتَبَ أَحْمَدْ فِي رِسَالَةٍ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُمْ فِي مُنَاظَرَتِهِ يَوْمَ الدَّارِ إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. Donc il dit Ibn Taymiyyah que l'imam Ahmad ibn Hanbal il avait écrit une lettre au khalifa al-Mutawakkil, c'était celui qui a pris le pouvoir après la fitna de Khalq al-Qur'an. Parce que les trois khulafas qui ont été au pouvoir, comme le cheikh il va l'expliquer, les trois khulafas qui ont pris le pouvoir à l'époque de l'imam Ahmad, ou bien plutôt à l'époque de la fitna, le premier c'était Al-Ma'moun. Ensuite, Al-Ma'moun est mort. Celui qui a pris le pouvoir par la suite, c'est Al-Wathiq. Non, Al-Mu'tasim, pardon. Al-Mu'tasim. Et après Al-Mu'tasim, hein, il est mort lui aussi, et il y a eu ensuite Al-Wathiq. Et ça, c'est les trois khulafas qui se sont succédés dans la fitna de Khalq al-Qur'an, qui imposait aux musulmans, aux savants et aux juges et à tous les imams du khilafa de dire que le Qur'an est créé. Et ceux qui refusaient de dire que le Qur'an est créé étaient soit tués ou torturés ou expulsés ou démis de ses fonctions et ainsi de suite. Donc c'était une grande fitna à l'époque. Hein, parce que le khalifa avait accepté, ces trois khulafas avaient accepté les croyances des Mu'tazila, qui nient les attributs d'Allah, qui disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais que c'est une parole qui est créée. Donc, ça a amené à toutes ces fitanes. Ensuite, après Al-Wathiq, il y a eu le successeur de Al-Wathiq qui a été Al-Mutawakkil, qui lui a fait cesser cette fitna et qui a ramené les gens, disons, à la source et à la base de la sunna, et qui a remis l'imam Ahmad à sa place, qui a fait cesser la torture et ainsi de suite. Donc l'imam Ahmad a écrit la lettre à ce khalifa al-Mutawakkil pour lui expliquer certaines choses, certaines règles à suivre, et parmi les choses qu'il lui a citées, il lui a cité ce hadith. Il lui a mentionné ce hadith à propos de l'interdiction de disputer à propos des versets d'Allah et à propos du qadar. Et il leur a dit, le jour du débat qu'il a eu avec les Mu'tazila, quand ils étaient réunis devant le Khalifa, il a dit, nous avons été interdits de frapper les versets d'Allah les uns contre les autres. Et ça, c'est à cause de sa connaissance, rahimahullah, du fait que la divergence par rapport à ce qui est mentionné dans ce hadith, hein, la divergence au sujet du qadar et ainsi de suite, ça c'est parmi les choses qui sont les plus grandes causes de désordre, de grand désordre sur la terre. Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là et il dit Ay, hadith Amr ibn Shu'ayb kataba bihi al-imam Ahmad ila al-khalifa al-mutawakkil لا سيما في قضية القول بخلق القرآن فإن المأمون أراد أن يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق غير منزل وهذا بتأثير من جلسائه من المعتزلة لأنه استوزر المعتزلة فأملوا عليه هذا المذهب الخبيث وأغروه بمعاقبة أهل السنة الذين يقولون إن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق. Donc il dit que ce hadith, c'est-à-dire le hadith de Amr ibn Shu'ayb qui est rapporté par l'imam Ahmed, eh bien l'imam Ahmed l'a écrit justement au Khalifa al-Mutawakkil. Il dit surtout que cette question de par rapport à la question de Al-Khalq al-Qur'an, du fait que le Khalifa al-Ma'moun avait imposé à tout le monde de dire que le Qur'an est créé, qu'il n'avait pas été révélé. Et il avait été influencé dans cette idée-là par ses conseillers parmi les Mu'tazila. Il avait accepté des Mu'tazila comme conseillers et il les avait même fait des ministres. Il avait même fait d'eux des ministres. Et ces Mu'tazila l'ont fait pencher vers cette croyance, hein, cette mauvaise croyance, et l'ont trompé, et ils l'ont même incité à punir les gens de la Sunna, ceux qui disaient que le Coran est révélé et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement, et que ce n'est pas le Coran n'est pas créé. Donc ils ont commencé à faire ça, ils ont commencé à punir tous les ulama d'Ahl Sunna. Cheikh il dit فأملوا على الخليفة المأمون هذا الفكر الخبيث واقتنع به. Donc ils ont essayé de faire pencher le khalifa vers cette pensée mauvaise et il l'a accepté. Il l'a embrassé cette idée, cette croyance. وأراد أن يجبر الناس عليه. Il a voulu imposer cette croyance-là aux gens. وقد قتل من قتل من الأئمة. Il a tué ceux qu'il a tués parmi les imams. وَامْتَحَنَ مَنْ امْتَحَنَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْقَوْلِ. Et il a testé, ou bien plutôt il a éprouvé ceux qu'il a éprouvé et testé ceux qu'il a testé dans le but de leur faire dire cette parole-là. C'est comme une inquisition, Yanni. Hein? Qu'est-ce que les koufars en Europe ont connu par rapport à l'inquisition? De vouloir se faire forcer les gens à dire quelque chose ou à croire en quelque chose. Yani, donc les Mu'tazila, c'est eux qui l'ont fait. Et les Mu'tazila, c'est des gens qui prétendent être des gens qui se basent sur la raison, sur l'intelligence, sur la philosophie, hein, sur la pensée grecque, hein, qui reviennent aux idées des Grecs. Donc cette idéologie, yani, qui était inspiré d'origine des philosophes grecs, eh bien, elle a été à l'origine des premières inquisitions dans l'islam, chez les musulmans. Hein? Donc, en Europe, les koufars, ils ont, aujourd'hui, ils parlent des inquisitions de la part, qu'est-ce qui a été fait de, par l'Église catholique, hein? aux chrétiens et aux catholiques pour les forcer à, disons, à rester sur la croyance catholique et chrétienne. Tandis que, dans les pays musulmans, l'inquisition, elle a été faite au nom de, justement, au nom de la raison, au nom de la logique, au nom de la pensée grecque et de la philosophie. Donc, c'était, en fait, le contraire de qu'est-ce qui a eu lieu en Europe. Puisque en Europe, c'est les croyances, les dogmes catholiques qui faisaient les inquisitions, tandis que chez les Mu'tazila, c'était, ou bien chez les musulmans, c'était les Mu'tazila. Donc, cette révolution chez les koufars aujourd'hui qui a eu lieu en Europe, par exemple la Révolution française, les philosophes des Lumières et tout ça, les musulmans, ils ont eu à affronter cette fitna depuis bien longtemps. Et ils les ont réfutés même depuis l'époque de l'imam Ahmad, hein, et même avant. C'est pour dire que ces idées de révolution et ces idées de... Parce que les Mu'tazila sont des gens qui croient en la révolution. Parce qu'un de leurs principes, c'est justement de se révolter contre les dirigeants. Hein? Mu'tazila. Et la négation des noms et des attributs, c'est exactement la philosophie et l'idéologie des déistes, philosophes déistes de l'Europe à l'époque des Lumières. Les déistes, c'est des gens qui reconnaissent l'existence d'un Dieu créateur, mais ils ne lui attribuent aucune attribut. Ils ne lui donnent aucune attribut. C'est comme un être, comme ça, qui a une existence abstraite qu'ils affirment, mais qui ne fait rien autre que créer. Hein? Qui n'a pas envoyé des messagers, qui n'a pas envoyé de prophètes, qui n'a pas envoyé de livres et des révélations, qui n'a pas ordonné, qui n'a pas interdit, et ainsi de suite. Donc, c'est pas le Dieu tel qu'il s'est révélé dans le Coran, tel qu'il nous a fait connaître ses attributs et ses noms dans le Coran et dans la révélation. Donc, il y a des liens, il y a des choses en commun entre les Mu'tazila et les idéologies des koufars aujourd'hui, ceux qui appellent à la laïcité et à ces idées-là. Ils ont pêché ça depuis, hein, loin, de très loin, ça vient de très loin. Même si eux, ils pensent que c'est nouveau. Non. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc, ils ont testé les gens, éprouvé les gens. Et le cheikh, il dit, وعلى رأسهم الإمام أحمد وقد عذبه بالضرب والسجن ولما مات المأمون خلفه المعتصم أخوه فسلك نفس مسلك المأمون وعذب الإمام أحمد. Donc, il dit, l'imam Ahmad était à la tête de ceux qui ont été éprouvés dans cette épreuve et dans cette fitna. Et ils l'ont torturé, ils l'ont frappé, ils l'ont emprisonné. Et lorsqu'il est mort, hein, Al-Ma'moun, lorsqu'il est mort, il a été succédé par Al-Mu'tasim, l'autre khalifa, parmi les khalifas de Bani Al-Abbas. Donc c'était le frère de Al-Ma'moun, il s'appelait Al-Mu'tasim. Et il a suivi la même voie que Al-Ma'moun. Al-Ma'moun, c'est lui qui avait ouvert qu'est-ce qu'on appelle Dar al-Hikma, ou Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, soi-disant. C'était un centre dans lequel il ramenait tous les textes des Grecs, des Syriaques et autres, et il les faisait traduire en arabe. Tous les textes de philosophie des différentes cultures du monde, il les ramenait, puis dans cet endroit, il s'assoyait pour faire des discussions et des débats philosophiques sur la religion, sur Dieu, sur toutes sortes de choses. C'est ça qui a été une porte ouverte vers la création de beaucoup d'égarements, de sectes, et des yani, comme la secte des Mu'tazila et des Jahmiya, et ainsi de suite. Donc, Al-Mu'tasim, il a suivi son frère dans cette voie-là, et lui aussi a continué à faire torturer l'imam Ahmad. Thumma al-Wathiq ibn al-Ma'mun. Donc al-Wathiq, c'était qui? C'était le fils de al-Ma'mun, celui qui a commencé la fitna, et c'est le neveu donc de al-Mu'tasim. Il dit: fasalaka al-maslak dhatahu. Donc il a suivi la même voie que son père. وعذب الإمام أحمد وهو صابر محتسب يصبر على الضرب وعلى السجن ويقول القرآن منزل غير مخلوق طلبوا منه موافقتهم قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به فثبت رحمه الله إلى أن جاء المتوكل ابن هارون الرشيد أي نعم رحمه الله فأفرج عن الإمام أحمد وناصر أهل السنة وقمع أهل البدعة فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا الحديث وخير ما ينصح به كتاب الله وسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ensuite est venu Al-Ma'mun, le fils de Al-Wathiq, qui était le fils d'Al-Ma'mun, qui a suivi la même voie et qui a châtié, lui aussi qui a torturé l'imam Ahmad. Mais l'imam Ahmad est resté patient et endurant. Et il a pris ça comme quelque chose yani, qui vient d'Allah. Et il a recherché la récompense d'Allah dans cette endurance et dans cette patience de cette fitna. Et donc il a enduré les coups, il a enduré la prison. Il a dit, le Coran, il est révélé, il n'est pas créé. Donc il est resté ferme. Alors ils lui ont demandé d'accepter leurs idées. Ils ont demandé à l'imam Ahmad d'accepter les idées des Mu'tazila. Et à chaque fois qu'il lui disait, dis, qu'est-ce qu'on te demande de dire, lui, il disait quoi? Ramenez-moi quelque chose du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et je vais le dire. En voulant dire, si vous voulez que je dise que le Coran est créé, ramenez-moi un verset dans le Coran qui le dit, ou un hadith dans la sunna, et je vais le dire. Étant donné qu'ils n'en ont pas trouvé, hein, ils n'en trouvaient pas, alors ils ne pouvaient pas convaincre l'imam Ahmad hein, d'accepter cette idée-là. Donc il est resté ferme jusqu'à ce que vienne Al-Mutawakkil, le fils de Harun al-Rashid. Parce que sont tous des je pense que Al-Ma'mun aussi c'était un fils de Harun al-Rashid, donc c'était un frère de Al-Ma'mun si je ne me trompe pas. Donc Al-Mutawakkil, fils de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid qui était un imam parmi les khulafa, plutôt un des khulafa parmi les khulafa de Bani al-Abbas, mais qui était fermement accroché à la sunna et qui aimait les ulama d'Ahl al-Sunna et qui les respectait grandement. Il respectait grandement les ulama et les imams de la sunna. Hein? Donc c'est pour ça, tu vois, c'est Al-Ma'mun qui a dévié par la suite. Jusqu'à ce que vienne Al-Mutawakkil. Puis Al-Mutawakkil est venu, puis il a libéré l'imam Ahmad et il a défendu les gens de la sunna et il a écrasé les gens de la bid'a. Et il a écrit, donc l'imam Ahmad lui a écrit, et lui a donné quelques conseils par rapport à la religion, par rapport à la gestion et ainsi de suite. Puis parmi les conseils qu'il lui a donné, il y avait ce hadith-là, hadith à propos de l'interdiction de disputer à propos du qadar ou à propos de la religion. Et la meilleure, le cheikh Al-Fawzan lui dit, le meilleur conseil que tu peux donner, c'est un conseil qui vient du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَالْمَقْصُودُ مِنْ كِتَابَةِ أَحْمَدٍ لِلْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَمْنَعْ مِنَ الْخَوْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَةِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فالقرآن واضح في أنه منزل من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة وليس في القرآن آية تدل على أن الله خلق القرآن ولا في الحديث ما يدل على ما يقولون. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que l'imam Ahmed a voulu en écrivant cette lettre au khalifa al-Mutawakkil en mentionnant ce hadith, c'est d'interdire le fait de débattre à propos du livre d'Allah et de dire la parole des Mu'tazila et des Jahmiya que le Coran est créé, parce que le Coran est clair au sujet que il est révélé et il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah a parlé et que c'est cette parole, hein, c'est sa parole réellement. Et que le Coran, il n'y a rien dans le Coran, il n'y a pas un seul verset qui pourrait indiquer qu'il serait créé, ni un hadith hein, qui supporterait ce que les Mu'tazila ont dit. وقوله وجعل يقول لهم في مناظرات في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض يعني في مناظرته للمخالفين في دار الوزير وزير الدولة حيث جرت المناظرة في هذه الدار فقال لهم الإمام أحمد إنا نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وأشار إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض بل يجمع بين نصوصه وبين آياته ويفسر بعضه ببعض ولا يؤخذ بالآراء من غير دليل من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit et l'imam Ahmed a dit et je leur disais le jour de la discussion, le débat qu'il y a eu dans la maison, le jour du débat dans la maison, il leur a dit, nous avons été interdits de frapper les versets d'Allah ou les versets du Coran les uns contre les autres. C'est-à-dire, lorsqu'il a eu un débat avec ses opposants parmi les Mu'tazila et les Jahmiya dans la maison du ministre, Wazir Dawla, le ministre de l'État, et c'est là qu'il y a eu un débat, dans cette maison-là. Et l'imam Ahmad leur a dit ce jour-là, nous avons été interdits de frapper les versets du livre d'Allah les uns contre les autres. Et il a indiqué ce hadith-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on frappe des versets du livre d'Allah les uns contre les autres. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est plutôt de les réunir, les textes. Réunir les textes les uns avec les autres. Et réunir les différents versets les uns avec les autres et d'interpréter une partie par l'autre et non pas de frapper un verset contre l'autre. Et on ne doit pas non plus prendre les opinions yani sans aucune preuve du Coran et de la Sunna. Donc il dit وقوله وهذا لعلمه أي الإمام أحمد لأنه إنما كتب ذلك للمتوكل لما يعلم ما في الاختلاف من الفساد العريض وبما في الاتفاق واجتماع الكلمة من الخير العظيم ولا يحصل اجتماع إلا باتباع الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, et ça c'est à cause de la connaissance de l'imam Ahmad, du fait que la divergence, quelque chose qui amène beaucoup de désordre. Et il dit, l'imam Ahmad a écrit ça à Al-Mutawakkil, le khalifa, parce qu'il sait que la divergence amène beaucoup de désordre et il y a également l'accord sur le fait que si on s'unit dans notre parole, qu'il y a un grand bien dans ça, qu'il y a un énorme bien dans ça et qu'il ne peut pas y avoir de vraie union excepté dans le fait de suivre le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les gens divergent, il dit أما إذا اختلف الناس وكل ركب رأسه وأخذ برأيه حصل التفرق وبالتالي يحصل التناحر والتضارب وسفك الدماء بين الأمة ومسائل الاعتقاد توقيفية لا دخل للرأي فيها. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la divergence entre les hommes et que chacun commence à monter sur sa propre tête et prendre son propre opinion comme si c'est ça la vérité, puis il le met devant et il veut écraser les autres avec son opinion sans preuve du Coran et de la Sunna, c'est comme ça que la division se produit. Et là c'est là que ça ramène des combats et des disputes et même des fois des écoulements de sang parmi les musulmans. Et les questions de la croyance islamique, c'est des questions qui sont tawqifiyah, dans le sens que il faut s'abstenir de dépasser ce qui est dans les textes au sujet de la croyance. C'est-à-dire que c'est pas un domaine dans lequel on peut rentrer avec nos propres opinions. C'est pas un domaine dans lequel on peut dire, ah, moi je pense que dans l'islam c'est comme ça ou que c'est comme ça. Chacun dit son opinion. Ah oui, ça c'est ton opinion, c'est ton droit. Hein? Les koufars, ils sont forts là-dessus, et il y a des musulmans qui ont été influencés par cette mentalité-là, de dire, ben chacun a le droit à son opinion, toi tu peux dire ça, c'est ton opinion, c'est ton droit, mais lui il dit ça, puis ça c'est son droit, puis chacun a son opinion. Là c'est ce qu'ils font dans les pays musulmans, avec sur les chaînes satellites, ils ont fait comme des émissions, où le titre de l'émission, il y en a une émission, ça s'appelle Ar-ra'yu wal-ra'yu al-akhar, c'est-à-dire l'opinion et l'autre, hein? L'opinion et l'autre, une autre, en voulant dire une opinion et une autre, comme pour dire chacun a son opinion, chacun a le droit à son opinion. Puis ils laissent appeler des gens comme ça, puis dire leur point de vue sur tel ou tel ou tel sujet. Et même si c'est des questions d'aqida, et c'est ça qui est triste parfois de la part de ces gens-là, c'est que ils pensent qu'ils peuvent même donner leur opinion dans les questions qui ont rapport avec les fondements de la aqida et de l'islam. Et c'est cela que les ulama ils parlent lorsqu'ils parlent des muta'alimin, al-muta'alimun, c'est-à-dire des gens qui ont étudié dans des différents domaines, pas des domaines de l'islam. Ils ont peut-être des doctorats en économie, en politique, en philosophie, en psychologie ou en d'autres domaines, en sociologie. Puis, ils pensent qu'à cause du fait qu'ils ont des diplômes dans ces domaines-là, que ça leur permet ou ça leur donne la capacité de comprendre la religion musulmane, puis d'en parler librement et de dire au sujet de la religion musulmane ce qu'ils veulent. Et le résultat de ça, c'est, comme je disais au début, des âneries, hein, des choses qui sont totalement, pas du tout fondées sur les fondements de la religion musulmane, et des contradictions, puis chacun, il écrit des choses, mais c'est pas fondé, c'est pas supporté. La plupart du temps même, c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que les koufars qui vont écrire à propos de l'islam, ils vont jamais citer de source. Ils vont jamais citer de source ou de référence sur ce qu'ils disent. Ils vont écrire des trucs, puis c'est comme, ils ont dit, ah, un tel a dit ça, mais aucune référence mentionnée. Puis ils font des déductions. Puis ils ne supportent pas les déductions qu'ils font par aucune référence non plus d'un savant ou d'une autorité dans le sujet. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-muta'alimun. Ils ne connaissent rien, mais ils parlent comme s'ils savaient. Et quand tu vois par exemple des émissions où ils invitent ces gens-là pour dire leur point de vue sur un sujet, et ça arrive souvent, c'est pas pour eux, l'important c'est pas de savoir de quoi ils parlent, mais c'est juste de donner l'impression aux gens qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais quand des spécialistes les écoutent, les spécialistes savent que qu'est-ce qu'ils disent, ça n'a aucun rapport. Et qu'est-ce qui est plus étonnant aussi, c'est que il y a des spécialistes, mais ils veulent pas se référer aux paroles de ces spécialistes-là dans ces débats-là ou dans ces discussions-là, justement parce qu'ils n'ont pas l'intérêt d'avoir la vérité, mais ils ont seulement l'intérêt d'avoir une opinion qui va aller dans le sens, qui va satisfaire leurs intérêts. Hein? Et c'est ça qui est triste. Allah al-Musta'an. Ensuite, après avoir dit ça, Cheikh Ibn Taymiyyah dit « Wa qad rawa hadha al-ma'na al-Tirmidhi » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث حسن غريب وقال في الباب وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس وهذا باب واسع لم نقصد له هاهنا وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثيرة من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. Donc le cheikh il dit que cette signification a été rapportée par l'imam al-Tirmidhi selon Abi Huraira. Il a dit c'est un hadith Hassan Gharib, et il a dit, et dans cette question il y a le hadith de Omar, de Aisha et de Anas, et c'est un chapitre qui est vaste, et il n'a pas dit il a dit on n'a pas eu ici l'intention de ramener tout ce qui a été dit sur cette question là mais il dit le but c'était juste de faire un point, de mentionner seulement cet exemple-là dans le but de faire savoir ce qu'on craint pour la Ummah, du fait qu'elle ressemble ou qu'elle soit d'accord ou imite les nations ou les peuples qui ont précédé la Ummah. Donc Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire le but, je voulais pas tout mentionner, tous les hadiths à ce sujet, mais je voulais juste faire savoir ça fait partie des choses qu'on craint, dans lesquelles on craint que les musulmans vont essayer d'imiter les peuples qui les ont précédés. Puisque dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme ce qu'il a dit, que la base de la perdition de Bani Adam, les fils d'Adam, c'était uniquement de la discorde à propos du qadar, la dispute et de la discorde à propos de la prédestination. Donc c'est pour dire, il a mentionné cet exemple-là à cause de ça, dans le sens que ça nous fait comprendre que si on imite les peuples qui nous ont précédés dans les disputes qu'ils ont eues à propos du qadar, on risque nous aussi de périr, parce que c'était une des bases dans lesquelles ils ont péri et à cause desquelles ils ont péri. Donc le cheikh il dit wa anhu, et c'est de là qu'est apparue la religion ou la voie des Majus. Et parmi les fondements de la croyance des Majus, c'est qu'ils disent qu'il y a deux bases, deux divinités, le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres, le dieu du bien et le dieu du mal, et la religion des Sabi'ah et d'autres qui croient en l'éternité du monde, ou l'éternité de l'univers. C'est-à-dire que le monde a toujours existé, qu'il existera toujours. Il faut juste se transformer. Ça, c'est la croyance des beaucoup de scientifiques aujourd'hui, qui croient que l'univers est éternel, et que la matière ne fait que se transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ou bien la croyance de comme dans la théorie de la relativité, comme selon l'autre là, comment il s'appelle, oui, Einstein, E=mc2, donc la matière se transforme en énergie, l'énergie se transforme en matière éternellement, et d'autres philosophes et d'autres philosophes et d'autres scientifiques aujourd'hui ont cette aqida. Et les bouddhistes ont cette aqida aussi. Les bouddhistes croient que l'univers est éternel. Et des choses comme ça. Que ça fait juste se transformer. Et ça, c'est du shirk. Parce qu'il n'y a personne qui... La matière, elle est créée. Et si tu attribues à la matière le fait de ne pas avoir de début et de ne pas avoir de fin, ça veut dire que tu attribues à cette matière, tu lui donnes une caractéristique divine d'être éternel. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et non, mais il se peut qu'il y ait une créature qui n'a pas de fin, mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala le fait continuer d'exister. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé au début, à partir de rien. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé à partir de rien. Donc ça, c'est clair. Mais le paradis, par exemple, et les croyants qui vont être dedans, ils vont exister par la suite pour l'éternité. Hein? Et l'enfer, ceux qui sont dedans, ils vont brûler pour l'éternité. Hein? Les mouchriquines. Donc, ça, c'est pour faire comprendre le point. Non. Donc, il y a beaucoup d'autres religions aussi qui ont cette idée, comme celle des Majus. Hein? Et dans, même dans cette Oumma, il y en a qui ont les croyances des Majus. Comme les Qadariya, ils croient que, ils croient que, comme par exemple, ils croient que il n'y a rien qui a été prédestiné, hein, que l'être humain, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait, sans prédestination, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas qu'est-ce qui allait se produire avant que ça se produise. Il y en a qui croient ça parmi eux. Donc c'est des exemples des sectes déviées qui ont suivi les exemples des groupes déviés parmi les autres croyances religieuses avant l'islam. Et il dit donc que c'est la croyance de beaucoup de gens parmi ceux qui ont dévié de la des législations divines. Il dit, ou Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, هذا الحديث وإن كان غريبا والغريب, je vais juste voir, parce que j'avais fait une note pour dire où est-ce que je voulais m'arrêter, puis ah ok, ça oui, donc il dit, هذا الحديث وإن كان غريبا والغريب هو ما تفرد بروايته واحد ولكن له شواهد تؤيده وتقويه. والشيخ أبدى مناسبة إطالته في هذا الموضوع وما أورده فيه من النصوص, فإن الدافع له لذلك هو بيان أن سبب هلاك الأمم في اختلافهم فلذلك نهيت هذه الأمة عن أن تتشبه بالأمم السابقة, كما في قوله أو كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Donc le cheikh il dit, ce hadith il est rapporté, même s'il est gharib, ça veut dire qu'est-ce qui a été rapporté par un seul narrateur. Donc il dit, même s'il est rapporté par un seul narrateur ici, il est supporté et renforcé par d'autres narrations qui viennent témoigner de son authenticité. Il dit, le cheikh il a mentionné ici pourquoi il a passé beaucoup de temps à mentionner des hadiths dans ce sujet-là, pourquoi il a prolongé, il s'est étalé sur la question, et il dit que il a mentionné tous ces textes-là et que la raison pour ça, c'était pour expliquer la cause de la perdition des nations qui ont divergé dans la religion, et que c'était pour ça que on a été interdit dans notre umma de ressembler aux nations qui ont précédé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Ça s'est révélé dans le verset 105 dans surat Al-Imran, c'est mentionné. C'est la signification qui dit, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé. Il dit, وَقَدْ سَاقَ الشَّيْخَ الْأَدِلَّةَ الْكَثِيرَةَ التي تبين خطورة الاختلاف الذي هو ديدن الأمم السابقة, وأن سبب ما وقع في الأمة إنما هو الأخذ بطرف من الكتاب والسنة وترك الطرف الآخر. Donc le cheikh il dit, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné de nombreuses preuves qui clarifient le danger de prendre le danger de la divergence qui est l'habitude des peuples et des nations qui nous ont précédés, et que la cause pour laquelle il dit wa anna sabab ma waqa'a fil umma, donc la cause pour laquelle il y a eu dans cette umma des divergences, c'était à cause justement de ce que les nations précédentes ont fait, de prendre une partie des textes du Coran et de la Sunna et de délaisser l'autre partie. Donc quand tu prends une partie des textes sur un sujet, mais que tu laisses les autres, qui clarifie ou qui détaille sur ce même sujet, c'est là que tu dévies. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, واليوم كثيرا ما يحصل هذا فإن كثيرا من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما يوافق رأيه وهواه ويقول ها أنا أستدل بالكتاب والسنة فنقول له كذبت أنت لم تستدل بالكتاب والسنة لأنك أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر فأنت شبيه بالذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Donc le cheikh il dit, ça c'est qu'est-ce qui arrive aujourd'hui de la part de beaucoup de gens. Il dit, il y a beaucoup de gens parmi les gens qui ont des mauvaises intentions, ou parmi les égarés, parmi les ignorants plutôt, qui prennent des preuves selon ce qui est en accord avec leur passion, et qui disent, voici, hein, je suis en train de prendre le Coran et la Sunna comme preuve. Et ils citent la parole qui est en accord avec sa passion et son hawa, hein, et il essaie de prendre un dalil, et dit, voici la preuve de qu'est-ce que je fais. Et il dit, je me base sur le Coran et la Sunna. Le cheikh il dit, on doit dire à cette personne, tu as menti, كذبت, parce que tu n'as pas pris le Coran et la Sunna comme preuve. Tu as seulement pris une partie des textes et tu as laissé l'autre partie. Et donc toi tu ressembles à ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, croyez-vous en une partie du livre alors que vous rejetez l'autre? Quelle est la récompense de celui ou la rétribution de celui qui agit ainsi parmi vous, excepté l'ignominie, hein, l'humiliation dans cette vie d'ici-bas. Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus dur châtiment. Et donc, ça c'est la réalité. C'est la réalité de ces gens-là. C'est comme, je vous ai déjà mentionné peut-être l'exemple de Tariq Souaydan. Il a fait une conférence sur la liberté, la démocratie, des trucs comme ça. Il a dit, je vais vous citer, sur chaque point que je vais mentionner, je vais vous citer au moins un dalil. N'importe qui peut essayer de justifier n'importe quoi s'il va juste mentionner une partie des textes sur quelque chose. Hein? Pour essayer de justifier son point de vue ou son opinion, il mentionne une partie d'un verset. Hein? Par exemple, si quelqu'un dit, faire la salat, c'est pas permis dans l'islam. Et il dit, waïlul lil musallin. Hein? Malheur à ceux qui prient. Si tu prends une partie du verset, tu peux justifier n'importe quoi, même l'interdiction de la prière, parce que tu vas juste prendre une partie du verset, mais tu vas pas lire la suite. Alladhina hum an salatihim sahun, hein? Ceux qui sont négligents dans leur prière. Donc c'est pas de cette façon là que les croyants agissent. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne, donc est-ce que vous voulez dire que vous prenez le Coran et la Sunna comme preuve alors que vous prenez juste une partie des preuves et vous laissez l'autre partie? Ou bien ils vont prendre une série de hadiths qui justifient un point, mais il y a d'autres hadiths ou d'autres versets qui parlent de d'autres dimensions ou de d'autres aspects du même sujet et qui viennent délimiter et spécifier et clarifier la question, mais ils les citent pas, ces hadiths-là ou ces versets-là. Ils les laissent de côté pour supporter leur position et leur point de vue. Hein? Allahul Musta'an. Donc, c'est ça l'attitude de ceux que je vous ai dit au début, à notre époque, qui veulent christianiser l'islam. Et ça, l'idée de christianiser l'islam, c'est quelque chose, même Cheikh Ibn Baz, il en a parlé, quand il a mentionné l'exemple de ceux qui voulaient interdire la polygamie, et qui disaient, non, dans l'islam, c'est pas permis de marier plus qu'une femme. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils considèrent que la monogamie est obligatoire, et que la polygamie est interdite. Donc, quand ils voient des musulmans qui veulent être polygame, eh bien, ils essaient de dire non, ça c'est pas bon, hein, c'est pas permis dans l'islam. Alors qu'ils sont musulmans et ils vivent dans des pays musulmans, mais ils veulent faire interdire la polygamie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent imiter les kuffars et ils veulent christianiser l'islam. Donc ils essaient de chercher des moyens d'interpréter le Coran et la Sunna pour changer la religion de l'islam. Donc Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu ça? Il a dit, ils veulent christianiser l'islam, ces gens-là. Et la même chose avec ceux qui essaient de déformer l'islam maintenant. Et c'est comme, il y en a un politicien comme ça qui dit, on veut pas d'un islam en France, on veut un islam de France. On veut pas un islam en France, on veut un islam de France. Ça veut dire qu'il veut pas d'islam dans son pays. Du vrai islam qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Mais il veut un islam christianisé, qui est déformé de son sens réel, et qui va être en accord avec la notion chrétienne de qu'est-ce que c'est une religion. Hein? Donc ça implique quoi? Ça implique d'interdire l'islam. Et de même interdire le Coran, d'interdire les hadiths. Il y en a un autre ici, hein, au Québec, qui dit, on va interdire aux musulmans et aux chrétiens, aux juifs et aux autres, de citer des versets dans lesquels il y a des choses qui contredisent telle ou telle de nos valeurs, soi-disant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer maintenant de s'attaquer même aux livres religieux. Parce que toutes les règles et les principes qui sont mentionnés dans le Coran par rapport aux punitions, par rapport aux positions qu'on doit avoir vis-à-vis de certaines choses de la vie d'ici-bas, que ce soit les règles économiques ou politiques ou autres, ces règles-là, dans le Coran, dans la Sunna, il y a des choses qui ressemblent dans l'Ancien Testament. Hein, et les Juifs et les chrétiens, ils connaissent ces choses-là. Donc ça fait partie des exemples maintenant. À l'époque, les Mu'tazila et les Jahmiya, et aujourd'hui même les Asha'ira, ils essaient de déformer le sens des attributs d'Allah. Donc tout ce qu'ils voient dans le Coran, dans la Sunna, qui parle d'Allah et qui mentionne ses noms et ses attributs, ils essaient de le nier et de le déformer dans son sens. Eh bien aujourd'hui, ils sont en train d'adopter la même méthodologie que ces gens-là, mais à propos des règles de l'islam de façon générale, et non seulement à propos des questions de noms et des attributs d'Allah. Le cheikh il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا يُخَالِفُ على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها يعني أن الغرض من هذه الإطالة هو التنبيه والتحذير أن تتشبه هذه الأمة بالأمم السابقة فتختلف في كتاب الله كما اختلفت وتضرب بعضها ببعض فتؤخذ بطرف من الآيات. Donc il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici, le but d'avoir mentionné tous ces textes, c'était pour faire savoir ce qu'on craint pour la Ummah, du fait qu'on craint qu'il soit en accord ou qu'il soit d'accord avec les peuples qui l'ont précédé. C'est-à-dire, le Cheikh il dit, le but c'était d'avoir prolonger la mention de tous ces textes et de toutes ces explications, c'était de mettre en garde les musulmans contre le fait de ressembler aux nations qui ont précédé. Et que les gens parmi les musulmans commencent à diverger à propos du livre d'Allah, comme les peuples précédents ont divergé, et qu'ils commencent à frapper certains versets les uns contre les autres, et des parties de versets contre des parties de d'autres versets, ou ainsi de suite. الشيخ الزي وقوله إن الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم هلاك ببني آدم يعني أن هذا الاختلاف المقيت الذي هو الذي أهلك الأمم السابقة كاليهود والنصارى حين اختلفوا في كتابهم ومن ذلك التنازع في القدر ومن التنازع في القدر نشأ مذهب المجوس الذين يعبدون النار ويقولون إن للكون خالقين خالق للخير وخالق للشر فالنور عندهم يخلق الخير والظلمة تخلق الشر فاختلافهم في القدر آل بهم إلى هذا القول الباطل. Donc il dit que Hein? Et même il y a des chrétiens qui ont cette croyance-là. Cheikh, il dit que l'affaire qui a rapport avec ce hadith, c'est en fait une des causes de la perdition des fils d'Adam. Qu'est-ce qu'on a mentionné dans ce hadith? C'est une des causes de la perdition des fils d'Adam. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est la divergence, cette divergence détestable qui a fait périr les peuples qui nous ont précédés parmi les juifs et les chrétiens qui ont divergé à propos de leurs livres au moment où ils ont divergé à propos de la prédestination, par exemple. Donc il dit ce genre de dispute qu'ils ont eu à propos du Qadar, on a vu apparaître à cause de ça par la suite la religion des Majus, ceux qui adorent le feu. Et ils disent, le monde a deux créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal. Et donc ils disent, pour eux, la lumière a créé le bien et les ténèbres ont créé le mal. Parce qu'ils ont eu ce problème-là. Ils ont dit, dans le monde, il y a du bien puis il y a du mal. On ne peut pas dire que, ils ont dit, on ne peut pas dire que Dieu a créé quelque chose de mal. Donc on va dire qu'il y a un Dieu du bien puis un Dieu du mal. Hein? C'est l'ignorance. Donc, le cheikh, il dit, donc pour eux, la lumière a créé le bien, puis les ténèbres ont créé le mal. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient en cette religion-là en Iran. Hein? Parce que c'est les Perses qui ont cette religion-là. Je pense qu'on les appelle, ils s'appellent eux-mêmes Zartouche. On y rencontrait. Les Zoroastriens, exactement. Ou bien il y a un Madichéen ou quelque chose comme ça. Mais sinon, j'en ai rencontré quelques-uns comme ça. Ils adorent le feu. Hein? Ils prient devant du feu. En tout cas, Allah musta'an. Donc, il dit, leur divergence, ils ont divergé à propos du Qadar par la suite à cause de ça. Donc ça, c'est clair que c'est une voie qui est totalement batil. Et le cheikh, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh, il dit, non, le cheikh, il dit, wa kadhalika as-sabi'a atba'u Nimrud abadu al-kawakib wa ba'atha Allahu ilayhim nabiyahu Ibrahim alayhi as-salatu was-salam kama dhakara Allahu dhalika fi al-Qur'an. إنما هلكوا بسبب اختلافهم في القدر وهذا لأنهم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم وظنوا أن هذه الكواكب هي التي تدبر الأمر والكون فبنوا لها هياكل على شكلها في الأرض وصاروا يعبدونها من دون الله ولذلك أنكر عليهم خليل الله وقال الله تعالى حكاية عنه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فما كانت حجتهم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فما حملهم على كفرهم إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, de même que les Sabi'a, ceux qui ont suivi Nimrud, les adorateurs des étoiles et des constellations, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir chez eux le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, wa alaykum salam wa rahmatullah, comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Il dit, ceux-là, ils ont péri à cause de leur divergence à propos du qadar, eux aussi. Ils se sont basés sur leurs pensées et sur leurs opinions. Et ils ont pensé que ce sont ces étoiles et ces constellations qui contrôlent le monde et qui contrôlent l'univers. Et ils ont créé ou construit des autels dans lesquels ils vont pour adorer les étoiles et les constellations. Il dit, et ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah. Et c'est pour ça que Al-Khalil, alayhi salam, Ibrahim, il a mentionné, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les paroles d'Ibrahim ici dans le Coran, le verset 52 dans Surat Al-Anbiya et le verset 74 dans Surat Al-Shu'ara. Dans le verset dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala cite les paroles d'Ibrahim alayhi salam qui signifie qu'est-ce que c'est que ces idoles, hein, ou ces statues devant lesquelles vous vous tenez. Et quel a été leur argument pour justifier qu'est-ce qu'ils faisaient comme shirk? Il dit, nous avons trouvé nos pères qui faisaient ainsi. C'est-à-dire, on a trouvé nos pères, nos ancêtres, qui faisaient ainsi. Ils faisaient ça, donc nous on les suit, on le fait nous aussi, parce qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils le font juste par suivi aveugle, par tradition, par coutume. Et c'est ça qui les a amenés à leur kufr. Allah al-musta'an. Il y a beaucoup de kuffars comme ça, c'est aujourd'hui, c'est la même chose. Tu leur demandes, mais pourquoi vous faites ça? Ben, nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qui arrive si vos ancêtres étaient égarés? Hein? Qu'est-ce qui arrive si vos ancêtres, ils étaient égarés? Vous restez égarés avec eux? Donc c'est ça la plupart des kuffars aujourd'hui, surtout les gens qui sont nationalistes, qui se basent toujours sur qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait, sans essayer de comprendre est-ce que ce que leurs ancêtres ont fait était basé sur la vérité ou non? Est-ce qu'ils ont une preuve qui justifie ce qu'ils faisaient, qui est basée sur les preuves révélées par Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh il dit ensuite, وَمَثَلُهُمْ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمُ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ نَفَوُوا الْقَدَرِ فَقَالُوا إِنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ يَخْلُقُ فِعْلَ نَفْسِهِ فَزَادَ عَلَى الْمَجُوسِ فزادوا على المجوس فالمجوس قالوا بخالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين مع الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم خالقين متعددين مع الله سبحانه وتعالى وأن كلا يخلق فعل نفسه ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس بل إنهم زادوا عليهم. Donc le cheikh il dit c'est la même chose pour les majus de notre umma. C'est qui les majus de notre umma? C'est les qadariya, ceux qui nient le qadar, ils nient la prédestination. Ils disent non, il n'y a rien de prédestiné. Chacun il crée les actions de, il y a ses propres actions, chacun crée ses propres actions. Et donc ils sont pires que les majus. Parce que les Majus, eux, ils ont dit, il y a deux créateurs. Le créateur du bien et le créateur du mal. Tandis que les Qadariya, eux, ils ont dit, chacun crée ses propres actions. Donc, ils ont affirmé un nombre indéfini de créateurs. Hein, chaque être humain est créateur de ses propres actes. Donc, ils ont mis avec Allah plein de créateurs. Parce que chacun crée ses propres actions lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on les a appelés les Majus de cette Umma. Les Majus de cette Umma, parce qu'ils ressemblent aux Majus. Et même qu'ils ont même dépassé les Majus. Ils ont même dépassé les Majus, Allah Musta'an. Il dit ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه سبحانه وتعالى على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال إما بأن زعموا أن فعله ما زال لازما له وإما بأن زعموا أن الفاعل اثنان إما بأن زعموا بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه أما ما أمر به فلم يقدر خلافه وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حتى اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق الآخر بما صدق به الآخر. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il parle de la cause de l'erreur des Qadariya et des Mu'tazila. Les Qadariya, les Mu'tazila sont des Qadariya aussi, parce qu'ils nient le Qadar, mais il parle des Qadariya. Et quand on parle des Qadariya, il y a les deux extrêmes. Les Qadariya, ceux qui ont exagéré parce qu'ils ont nié la prédestination, et les Qadariya, ceux qui ont exagéré parce qu'ils ont affirmé le Qadar, mais ils l'ont affirmé de façon extrémiste, dans le sens qu'ils ont nié même que l'homme avait une liberté d'agir, et ils ont dit non, l'homme a aucune liberté d'agir, tout ce qu'il fait c'est Allah qui lui fait faire, et l'homme lui n'a aucun choix dans ce qu'il fait, tandis que les autres Qadariya, souvent c'est ceux qui nient la volonté, la liberté des hommes de faire leur propre choix, ceux-là on les appelle les Jabriya. Et les autres qui nient la prédestination et qui disent que chacun crée ses propres actions, chacun est libre, il n'y a rien de prédestiné, ceux-là on les appelle les Qadariya, parce qu'ils nient le Qadar. Donc c'est deux extrêmes. Ceux qui ont exagéré parce qu'ils ont affirmé à l'extrême, les Jabriya, et ceux qui ont exagéré en niant, c'est ce qu'on appelle les Qadariya, parce qu'ils ont nié le Qadar. Et Ahlus Sunnah al-Jama'a, ils sont entre les deux extrêmes de ces sectes d'égarement-là. Ils affirment le Qadar, mais ils ne l'affirment pas à l'extrême, afin de nier la liberté des créatures et le choix qu'ils ont de faire qu'est-ce qu'ils ont. Allah leur a donné la capacité et la volonté, donc on nie pas ça, mais en même temps on va pas dire que l'homme est absolument libre de tout qu'est-ce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a une volonté qui est au-dessus de la volonté de la créature et une capacité au-dessus de celle des créatures. Donc le cheikh il explique ici que les gens se sont divergés entre eux dans ce qui a rapport avec la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il fait. Et ils ont voulu affirmer quelque chose qui serait correct pour eux, pour essayer de justifier les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de comparer le créateur à la créature. C'est-à-dire ils ont essayé de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à un être humain. Et de comparer la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala agit aux raisons pour lesquelles les créatures décident d'agir ou de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'extrême de l'égarement. C'est ça qu'Ibn Taymiyyah il dit. Puis ensuite il dit, ils ont cru que... Après le cheikh il explique un petit peu avec des termes techniques qu'est-ce qu'ils disent. Donc, pour simplifier l'affaire, on va lire directement la traduction de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, قوله فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى يعني أن أصل الضلال أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. Donc, le Cheikh dit, la cause de base de leur égarement, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont fait des analogies et des comparaisons entre le Créateur et la créature. لا يقاس بخلقه. Allah, والله جل وعلا, لا يقاس بخلقه. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'essayer de faire des analogies et des comparaisons entre le Créateur et sa création. قال سبحانه وتعالى, فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le verset 74 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne faites pas des comparaisons, n'essayez pas de faire des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne frappez pas des exemples de comparaison entre Allah et sa création. Allah sait et vous ne savez pas. فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه. Donc on n'a pas le droit de faire des analogies, des comparaisons entre Allah et sa création. وأفعاله في غاية الحكمة والعلم والإتقان لا يجوز لنا أن نسأل لماذا قال الله كذا ولماذا فعل الله كذا نحن منهيون عن البحث في أفعال الله. Donc le cheikh il dit, et on n'a pas le droit non plus de poser des questions à propos d'Allah dans ses actions. Pourquoi il a fait ça? Hein? Et pourquoi il a dit ça? On n'a pas le droit de demander le pourquoi à Allah. Et pourquoi il a fait ou pourquoi il a dit. Toutes les actions d'Allah sont les actions les plus sages, qui sont toutes basées sur la science et sur la maîtrise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses actions, toutes ses paroles sont parfaites, hein, et sont sages. C'est-à-dire qu'il y a une raison qui est bonne derrière. Pourquoi il fait, pourquoi il dit. Donc on n'a pas le droit de poser de questions pourquoi ou pourquoi il fait ou pourquoi il dit ou comment. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de poser à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ونحن نؤمن ابتداء بأن الله حكيم عليم وأنه يشرع شيئا لا يشرع شيئا إلا لحكمة وأن كل شيء عنده بمقدار وعلينا الإيمان بما عرفنا علته وما لم نعرف. Donc le cheikh il dit, à la base, le croyant, il doit croire que Allah il est hakim et qu'il est alim. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et qu'il est omniscient, il sait tout. Et qu'il n'y a rien qu'il a légiféré, excepté que c'est pour une sagesse. Excepté que c'est pour une bonne raison, une bonne sagesse. Et que tout ce qu'il a créé est selon une juste mesure. Et on doit croire en ça, peu importe qu'on connaît la raison pourquoi il a légiféré telle chose ou qu'on ne le connaisse pas. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré de telles règles, de telles lois, de tels principes dans la charia, on n'a pas le droit de dire mais pourquoi il a légiféré ça, ou pourquoi Allah a ordonné ça, ou pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ça, ou pourquoi il a dit ça. Mais on doit croire qu'il y a une sagesse derrière, qu'on connaisse cette sagesse là ou qu'on la connaisse pas. C'est pas comme certains qui disent ah mais moi il faut que je comprenne, si je comprends pas je peux pas le faire. Non, tu le fais même si tu comprends pas, parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc peut-être qu'il a ordonné juste pour te tester, juste pour te mettre à l'épreuve, juste pour voir ta foi. Donc toi tu crois en Allah, tu le mets en application. Du moment que ça vient dans le Coran, du moment que ça vient d'un hadith qui est authentique, hein, et tu connais son authenticité, tu sais que ça vient d'Allah, ça vient de son messager, alors tu l'appliques et tu le fais, hein. Et bien entendu que tu te réfères aux ulama, tu te réfères aux ulama de l'islam pour comprendre les versets et les hadiths, pour savoir comment les appliquer. Pas les appliquer n'importe comment ou selon ta propre compréhension, bien entendu, parce que sinon tu risques de faire quelque chose que tu comprends pas, hein. Puis hier je donnais aux frères les exemples d'Ibrahim alayhi salam, quand il a ordonné à son Allah a ordonné à Ibrahim de sacrifier son fils, hein. Il a pas dit oh Allah pourquoi je dois sacrifier mon fils, hein, pourquoi je veux faire ça, tu m'as donné ce fils alors que j'étais très vieux. J'avais désespéré même avoir des enfants, j'étais trop vieux. Et tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné Ismaïl, alayhi salam. Maintenant tu me demandes de le sacrifier. Pourquoi? Il n'a pas dit ça. Il a dit, je le fais. Hein? Parce que c'est l'ordre d'Allah. Et alors il l'a fait, il allait le faire, et Allah, parce qu'il a été sincère, Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé. Il lui a donné à la place un mouton qu'on sacrifiait chaque année, hein, un mouton durant la période de Eid al-Adha, hein, en souvenir de la soumission de Ibrahim alayhi salam, comment il s'est soumis à Allah d'une manière sans questionner la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, donc c'est comme ça qu'on doit être. Il dit wa af'alullahi قد ندرك حكمتها وقد لا نعلمها لا يعني عدم معرفة العلة التوقف عن العمل فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك. Cheikh il dit les actions d'Allah, c'est possible qu'on puisse trouver la sagesse derrière. C'est-à-dire il y a certains ordres d'Allah, certaines actions que Allah a fait, on est capable de comprendre la sagesse qui est derrière. Mais il y en a d'autres que c'est possible qu'on ne puisse pas les connaître, on ne puisse pas les comprendre. Et le fait qu'on n'arrive pas à les connaître, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de les mettre en application. Il dit parce que ça c'est la voie des nations qui se sont égarées et qui ont péri à cause de ça. Il dit wa qawluhu wa imma bi anna ma fa'alahu lam ya'mur bi khilafi wa ma amara bihi lam yuqaddir خلافه هذا هو المذهب الجبرية الذين يقولون ما قدره لا يأمر لا يأمر بخلافه وينكرون الشرع ويثبتون القدر والمعتزلة على العكس أثبتوا الشرع وأنكروا القدر وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع. Donc c'est ça. Le cheikh explique, Ibn Taymiyyah, il dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il n'a pas ordonné de faire le contraire. Et ce qu'il a ordonné, il n'a pas prédestiné le contraire. Il dit, ça c'est la voie des Jabriyyah. Ceux qui disent ce que Allah a prédestiné, il ne va pas ordonner le contraire. Et ils s'opposent à la législation et ils affirment la prédestination. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça signifie? Non? Ça signifie que, en fait, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a déjà expliqué une fois par rapport à qu'est-ce qu'on appelle, yani, al-irad al-kawniya ou al-irad al-shar'iya. Et al-hukm al-kawni ou al-hukm al-shar'i. C'est-à-dire que des fois Allah subhanahu wa ta'ala il a permis à certaines choses de se produire dans la création. Des choses qu'il a créées et qu'il a prédestinées, mais qu'il n'agrée pas et qu'il n'aime pas. Mais il a permis à ces choses d'exister dans le but de mettre les hommes à l'épreuve. Hein? Donc Il a son ordre dans la création et dans la prédestination, et il y a son ordre dans la révélation et dans la législation. C'est ça ce qu'on appelle al-hukm al-kawni et al-hukm al-shar'i. Des fois on dit al-kawni al-qadari ou al-shar'i, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été révélé dans la révélation, qu'est-ce qu'on connaît dans le Coran et dans la sunna, ça c'est connu par la législation, c'est la charia. Et qu'est-ce qu'il a ordonné dans la prédestination et dans la création, ça c'est ce qui se produit, hein, tous les jours, qu'est-ce qui se passe à chaque instant. Parmi les choses qu'il a créées et qu'il a voulu, il y en a des choses qu'il aime, qui sont en accord avec sa législation, et il y a des choses qu'il n'aime pas, et qui sont en contradiction avec sa législation, dans la révélation. D'accord? Les Jabriya, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ou qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné quelque chose et qu'il a créé, ça veut dire qu'il est d'accord avec et qu'il l'aime. Même si c'est contraire à qu'est-ce qu'il a révélé dans la révélation à ses prophètes. Donc on dit, non, ça c'est pas vrai. Il faut affirmer les deux. Il faut affirmer la révélation et respecter, c'est-à-dire il faut respecter et affirmer la révélation et respecter la révélation et en même temps affirmer yani, la prédestination et croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné? Ça ne veut pas dire que on doit approuver ou être d'accord de qu'est-ce qui se passe dans le sens si c'est contraire à la révélation d'Allah, on va pas dire oui c'est bien. C'est comme par exemple, on a donné l'exemple de la personne qui avait volé à l'époque d'Omar ibn Khattab, qui a dit c'est Allah qui m'a fait voler. Et Omar ibn Khattab lui a dit oui, peut-être Allah, tu dis que c'est Allah qui t'a fait voler, qui a prédestiné que tu allais voler. Oui, c'est vrai, Allah avait prédestiné que tu allais voler. Mais Allah a prédestiné également que j'allais couper ta main. Parce que c'est ça la punition dans la charia. Donc on affirme la prédestination et on affirme la charia ensemble. pas une contre l'autre, utiliser une contre l'autre. Hein? Quelqu'un qui va dire Allah il a créé l'alcool, donc ça veut dire que Allah aime l'alcool. Ou une femme va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a créé avec des belles formes, donc ça veut dire que je dois montrer mes belles formes à tout le monde. Hein? C'est pas parce qu'Allah t'a donné quelque chose, ou t'a créé de telle façon, ou qu'il a permis que certaines choses existent qui sont mauvaises, que yani, ça veut dire que tu peux l'utiliser de n'importe quelle façon, puis faire n'importe quoi avec, et l'utiliser d'une manière qui est en contradiction avec qu'est-ce qu'il a légiféré, qu'est-ce qu'il a ordonné dans sa charia. Donc ça c'est l'exemple des Jabriya. Ils disent qu'est-ce que Allah a prédestiné, il ne va pas ordonner le contraire. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, Allah a prédestiné qu'il allait tuer, Allah ne va pas ordonner le contraire. Ça c'est faux. Et il dit وَيُنْكِرُونَ الشَّرْءُ وَيُثْبِتُونَ الْقَدْرِ. Ils nient la législation et la révélation et ils affirment la prédestination. Ça c'est une contrainte, ça c'est de la folie, penser comme ça. Et il dit wal mu'tazila 'ala al-'aks. Les mu'tazila c'est le contraire. Ils ont affirmé la charia, la révélation, mais ils ont nié le qadar. Ils ont nié le qadar. Ils ont dit non, il n'y a rien qui est prédestiné. Hein? Et Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont entre ces deux extrêmes-là. Ils affirment le qadar, ils affirment la prédestination. Il dit وهو لما زعموا أن هناك تعارضا بين الشرع والقدر اختلفوا فبعضهم أثبت القدر ونفى الشرع وبعضهم على العكس وعللوا فعلهم هذا بأنه دفع للتعارض الذي زعموه والواقع أنه لا تعارض وأن كلا من الشرع والقدر حق وَلَا تَعَرْضَ بَيْنَهُمَا. Donc le cheikh il dit, c'est des gens que lorsqu'ils ont, ils ont considéré ou ils ont cru qu'il y avait une contradiction entre la prédestination et la législation divine, et ils ont divergé entre eux au sujet du qadar et au sujet de la négation. Et certains ont affirmé le qadar, la prédestination, et ils ont nié la législation et la révélation, et d'autres le contraire. C'est-à-dire, ils ont nié le qadar et ils ont affirmé la prédestination. Alors, ils ont essayé de justifier ces contradictions-là en disant qu'on a fait ça pour repousser la contradiction qui existe. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre la prédestination et la législation. Les deux vont ensemble. Hein? Et donc eux ils ont cru qu'il y avait une opposition parce qu'ils n'ont pas compris les textes de la charia. Ils ont pris une partie des textes puis ils ont nié l'autre. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset quand il dit par exemple, oui c'est ça, mais juste avant, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. C'est ça. فَمَنْ شَاءَ, donc celui qui veut, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé la volonté des créatures. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ. Ceci est un rappel. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Donc, que celui qui veut prennent le chemin vers son Seigneur. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala affirme à la création la volonté. Donc, les hommes, ils ont la volonté, puisqu'Allah dit, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Et après, il dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il affirme que sa volonté à lui est au-dessus de la volonté de sa créature. Puisqu'il dit, cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah est certes omniscient et sage. Donc il ramène encore dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ramène les deux noms et les deux attributs de la science et de la sagesse. En voulant dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout ce qu'il fait avec science et avec sagesse. Il ne fait pas des choses pour rien. Hein? Donc, yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Donc ça veut dire, il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Donc, dans ces versets-là, on affirme de un, que l'être humain, il a une volonté et qu'il peut choisir dans ses actions de prendre le chemin d'Allah ou de prendre un autre chemin. Puis en même temps, par la suite, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté, mais que sa volonté est au-dessus de la volonté des créatures. Et en faisant ça, on affirme la prédestination. C'est comme ça qu'on prend les textes, hein, dans le Coran. On ne va pas prendre juste فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِنَّ هَذِي تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. On prend juste ce verset-là tout seul. Puis on ne prend pas la suite. Donc les Qadariya, ils ont juste pris cette partie. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Que celui qui veut, qu'il prenne le chemin vers son Seigneur. Mais ils n'ont pas pris l'autre, le verset qui suit. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu. Et les Jabriya, eux, ils ont pris que ce verset-là, ils n'ont pas pris celui qui vient avant. Les Jabriya ont dit, on est forcé, on n'a pas le choix. Hein? C'est Allah qui, si Allah veut, hein, on peut uniquement le faire si Allah a voulu. Et on n'a pas de volonté de nous. Indépendante, hein, où on n'a pas de volonté, il y en a personnel de vouloir ou de choisir entre le bien et le mal. C'est Allah qui nous fait faire l'action. Donc ça aussi c'est un égarement. Donc on a pris, les gens de la Sunna, ils ont pris les deux, hein, les deux versets ensemble. Ils ont dit il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Les deux sont affirmés. Et donc le cheikh il dit ensuite. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منا الإيمان بالقدر بل من أجل أن لم يطلب منا الإيمان بالقدر من أجل أن نعطل الأعمال ونتكل على القدر وإنما أخبرنا بالقدر من أجل أن نؤمن به ومن أجل أن لا نجزع إذا فاتنا شيء. Le cheikh il dit, il faut comprendre un point qui est très important ici dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il dit, il nous a pas demandé de croire en la prédestination pour qu'on abandonne les actions complètement. Il nous a pas ordonné de croire en la prédestination pour qu'on se base sur le qadar. Non, il nous a informé de la foi en Al-Qadar, il nous a ordonné de croire en la prédestination. Yani, pourquoi ? Pour qu'on y croit, pour qu'on ait la foi en la prédestination, et pour qu'on ne soit pas triste lorsque quelque chose nous a échappé, alors qu'on a fait les causes nécessaires pour l'obtenir. Comme par exemple, toi tu fais tout, hein, tes efforts pour arriver à obtenir quelque chose et tu prends toutes les causes nécessaires pour y arriver, puis par la suite quelque chose arrive, on va dire t'as un gros examen, hein, gros examen, puis tu te prépares toute la semaine pour étudier pour cet examen là puis là juste quand le moment de faire l'examen arrive, yani, t'as un gros accident. Tu vas à l'hôpital, tu restes à l'hôpital pendant 2 semaines, tu manques ton examen. Hein? Donc, toi, tu as voulu faire tes études, ton examen et tout, t'as fait les causes nécessaires, puis après, tu n'as pas pu passer ton examen parce que t'es tombé, t'as eu un accident. Donc, si tu crois en Qadar, tu vas pas être triste. Tu vas pas dire, oh subhanallah, pourquoi? Tu vas pas dire, ah, comment ça se fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas pris un autre chemin? Pourquoi j'ai pas évité l'auto? Pourquoi j'ai pas pourquoi je suis sorti plus tôt? Pourquoi j'ai pas attendu 10 minutes? Pourquoi j'ai pas fait ça? Non, ça c'est la porte pour le shaitan. Plutôt, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Toi tu fais les causes et c'est Allah subhanahu wa ta'ala par la suite qui décide si qu'est-ce qui va arriver, ça doit arriver. Si ça doit pas arriver, ça va pas arriver. Mais toi, tu as fait les causes. Donc, tu ne vas pas être triste à cause de ça, parce que tu crois en Al-Qadar. Et tu as pris les étapes nécessaires pour y arriver. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, « وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعَكْ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا ولكان كذا وكذا لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالواجب على المسلم فعل السبب فقط، أما القضاء والقدر فهو شأن الله سبحانه وتعالى، فلا تقحم نفسك فيه. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, fais des efforts pour qu'est-ce qui est bénéfique pour toi et demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas. Et si un mal t'atteint, ne dis pas « Oh, si j'avais fait telle ou telle chose », mais dis plutôt « Allah a prédestiné et ce qu'il a voulu s'est produit, il a fait ce qu'il a voulu ». C'est ça qui est important. Et donc l'obligation pour le musulman, c'est de faire les causes seulement. En ce qui concerne le décret et la prédestination d'Allah, ça c'est quelque chose qui fait partie des affaires d'Allah. C'est Allah qui s'en occupe. Alors toi, ne t'en préoccupe pas et ne rentre pas là-dedans. C'est pas de rentrer à essayer de comprendre pourquoi. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera, bi'idhnillah, au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين